Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM, que j'ai intitulée « Il y a pire ailleurs ». Oui, il y a pire ailleurs qu'en Europe. Pour autant, doit-on aller vers une Europe divisée, antisociale et peu écologique, soumise comme les États-Unis et une bonne partie du monde aux lobbies agrochimiques. À l'heure où l'extrême droite, plus ou moins soutenue par l'Amérique de Trump et la Russie de Poutine, prend de plus en plus de place dans la politique européenne, ne faut-il pas s'interroger sur notre avenir et celui des générations futures ? Trump, quant à lui, a choisi d'imposer au monde, et pourquoi pas à l'Europe, sa manière de voir les problèmes environnementaux, c'est-à-dire de polluer la planète sans retenue. Alors, des exemples. La sortie de l'accord de Paris et Libération d'intitulé « Trump, le fossile et le marteau ». Et de dire, 2 ans après avoir tourné le dos à la COP21, le président américain s'est démené pour détricoter les avancées d'Obama. Il y a 2 ans, le 1er juin 2017, Donald Trump annonçait le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Pendant sa campagne, il s'est engagé, au nom de l'indépendance énergétique, de la défense des emplois du secteur fossile et de la protection de la première économie mondiale, a abandonné cet accord scellé fin 2015 au Bourget, qui vise à contenir la hausse de la température moyenne mondiale bien en deçà de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. « Je ne peux pas en conscience soutenir un accord qui punit les États-Unis », avait-il affirmé. Le deuxième émetteur mondial de gaz à effet de serre, après la Chine, tournait le dos au reste du globe. La sortie de l'accord met à mal la sécurité et la compétitivité des États-Unis à l'échelle internationale, affirmait Andrew Light, ex-conseiller sur le changement climatique du département d'État de l'administration d'Obama. Aujourd'hui, le pays est aujourd'hui un paria dont le président questionne la science la plus basique. Nous avons perdu de l'influence, surtout dans des régions où les États-Unis ont des intérêts cruciaux. Depuis son arrivée au pouvoir, Trump a détricoté les avancées de son prédécesseur. Il a nommé des climato-sceptiques revendiqués et d'anciens lobbyistes du pétrole, du charbon ou de l'agroalimentaire à des postes de l'environnement, de l'Environmental Protection Agency, qui fait office du ministère de l'Environnement, du département d'État ou encore du département de l'Intérieur, qui contrôle les terres fédérales et préside aux destinées des parcs nationaux et de la protection des espèces. L'administration Trump a démantelé, tronqué ou contesté devant les tribunaux pas moins de 60 mesures selon le département de droit environnemental et énergétique de l'Université Harvard. Parmi ces reculs, les coups de boutoir portés au Clean Power, plan de l'administration Obama, qui visait à réduire les émissions de CO2 des centrales électriques, et notamment à charbon, de 32% d'ici à 2030 par rapport à 2005, tout en augmentant le recours aux renouvelables. Nous débarrassons de la réglementation inutile pour créer plus d'emplois, de richesses aux États-Unis, avait justifié Trump. Dernier recul en date, début mai, l'annulation des mesures de sécurité qui réglementent les opérations de forage en mer, adoptées après la marée noire causée par l'explosion d'une plateforme de BP en 2010 dans le golfe du Mexique. En avril, le président a signé 2 décrets pour faciliter la construction de pipelines dans le pays et limiter les actions des États pour s'y opposer. L'administration tente aussi de faire changer le vocabulaire des échelles de temps ou la méthodologie des rapports sur la pollution atmosphérique aux grandes dames de la communauté scientifique. Mais États-Unis, mais États, villes, universités, secteurs privés ne restent pas les bras croisés. La US Climate Alliance, une coalition d'États américains créée le 1er juin 2017, s'est fixée de remplir les objectifs de l'accord de Paris. Plus de 400 maires réunis au sein de US Climate Major multiplient les politiques locales dans ce sens. Les États-Unis ne pourront pas sortir formellement de l'accord de Paris avant le 4 novembre 2020, 4 ans après son entrée en vigueur, et ironiquement, précise Andrew Light, au lendemain de la prochaine présidentielle américaine, il y aura des dégâts à long terme, même si on change de président et qu'il ou elle souhaite se réengager sur la question climatique. Ce que déplore donc cet ancien ministre d'Obama. On ne pourra pas reprendre les choses là où on les avait laissées à la fin des années Obama. Voilà la conclusion par rapport à ça. Et puis alors, il y a un article qui est vraiment stupéfiant de Libération qui dit que dans les exploitations de la vallée centrale, les cueilleurs d'agrumes et leurs enfants souffrent à cause du taux dangereux de chlorpyrifoséthyl, produit neurotoxique dont l'interdiction est annulée par l'administration Trump. Or, cet article, j'en ferai part en d'autres circonstances, parce que je n'ai pas le temps dans cette chronique d'en parler, mais c'est quelque chose de terrible, quoi. Hein. Et donc, on s'aperçoit quand même que Trump est en train de polluer la planète, polluer les aliments aussi, hein, de laisser les lobbies agrochimiques faire. Et puis... Puis on peut se poser la question, ne faudrait-il pas boycotter tous les produits qui viennent des États-Unis qui ne sont pas bio ? Parce que là, je crois que c'est dangereux pour la santé, c'est dangereux. Il y a plein de pesticides, plein de neurotoxiques ou de perturbateurs endocriniens. Voilà, on est dans la campagne des coquelicots, il faut y songer. Eh bien, je vous laisse méditer au cours de cette journée, que je vous souhaite la meilleure possible, et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, si tout va bien.